Vous triomphez de ma faiblesse. Je suis troublé. J'en ai troublé. Mais tout d'abord, vous avez un débit avec certains portraits. Côté sur ma table.